Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, traduit du latin au français par un moine de Fontgombault, publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. Dixième partie, commentaire de l'article 9e, Je crois en la Sainte Église catholique. En l'homme, nous le savons, il y a une âme et un corps. Et cependant, ses membres sont divers. Pareillement, l'Église catholique constitue un corps unique. Et elle possède différents membres. Or, l'âme qui vivifie ce corps de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, après avoir exprimé notre foi au Saint-Esprit, il nous est commandé de croire à la Sainte Église catholique, comme nous le voyons marqué dans le symbole. Il importe de le savoir, Église signifie assemblée. C'est pourquoi la Sainte Église, c'est la même chose que l'assemblée des fidèles. Et chaque chrétien est comme un membre de cette Église, dont il est dit « Approchez-vous de moi, ignorants, et réunissez-vous dans la maison de l'instruction. » Or, cette Église possède quatre qualités. Elle est une, sainte, catholique, elle est forte et ferme. En premier lieu, l'Église est une. À ce sujet, il faut savoir que bien que les divers hérétiques aient inventé diverses sectes, ils n'appartiennent pas cependant à l'Église, parce qu'ils sont divisés en parties. Mais l'Église, elle, est une, comme le proclame le Cantique des Cantiques, « Une est ma colombe, ma parfaite ». Or, il y a trois causes qui concourent à l'unité de l'Église. D'abord, l'unité de la foi. Tous les chrétiens, en effet, qui appartiennent au corps de l'Église, croient aux mêmes vérités. Saint Paul dit aux Corinthiens « Frères, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de scission parmi vous. » Et aux Éphésiens, il écrit « Qu'il n'y ait qu'un Dieu, une foi, un baptême. » Ensuite, concourt à l'unité de l'Église l'unité de l'espérance. Tous les chrétiens, en effet, ont été affermis dans la même espérance de parvenir à la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre, dans sa lettre aux Éphésiens, leur dit « Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, puisqu'aussi bien vous avez été appelés par votre vocation à une même et unique espérance. » La troisième cause qui concourt à l'unité de l'Église est l'unité de la charité. Tous les chrétiens, en effet, sont unis dans l'amour de Dieu et dans un amour mutuel qui les lie les uns aux autres. D'où la parole du Seigneur à son Père, « Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Cet amour, s'il est véritable, se manifestera par la sollicitude mutuelle et par la mutuelle compassion. L'apôtre écrit en effet aux Éphésiens, « Par la charité, croissant en toutes choses dans Jésus-Christ qui est notre tête. » C'est de lui que tout le corps, dont les parties sont jointes et unies ensemble avec une si juste proportion, reçoit par tous les vaisseaux et toutes les liaisons qui portent l'esprit et la vie, l'accroissement qu'il lui communique par l'efficace de son influence, selon la mesure qui est propre à chaque membre, afin qu'il se forme ainsi et s'édifie par la charité. Chacun, en effet, doit se mettre au service de son prochain, au moyen de la grâce que Dieu lui a conférée. C'est pourquoi nul ne doit ni regarder pour indifférent, ni souffrir d'être rejeté et repoussé par cette Église. Car il n'y a qu'une Église en laquelle les hommes soient sauvés, de même qu'en dehors de l'arche de Noé, aucun être vivant ne put trouver le salut. La deuxième qualité de l'Église est la sainteté. On sait qu'il existe aussi une autre assemblée, mais elle est composée des méchants. C'est d'elle que le psalmiste dit « Je hais l'Église des pervers ». Celle-ci est donc mauvaise, mais l'Église du Christ est sainte. L'apôtre écrit en effet aux Corinthiens « Le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes ce temple ». C'est pourquoi dans le symbole des apôtres nous disons « Je crois en la Sainte Église ». les fidèles de cette assemblée sainte sont sanctifiés par trois réalités: le sang du Christ, la grâce du Saint-Esprit, l'habitation en eux de la Trinité, et même par une quatrième, l'invocation de Dieu. En premier lieu, de même en effet qu'une église, lors de sa consécration, est lavée matériellement, de même également les fidèles ont été lavés dans le sang du Christ. Il est dit en effet dans l'Apocalypse, « Il nous a aimés, et tous nous a lavés de nos péchés dans son sang. » Et saint Paul écrit aux Hébreux, « Jésus, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. » En second lieu, de même qu'une église, dans la cérémonie de sa consécration, est ointe d'huile, de même les fidèles sont oints d'une onction spirituelle pour être sanctifiés. Autrement, ils ne seraient pas des chrétiens. Christ, en effet, ne signifie pas autre chose que « oint ». Or, cette onction, c'est la grâce de l'Esprit-Saint. L'apôtre écrit en effet aux Corinthiens, « Celui qui nous a oints, c'est Dieu même. » Et ailleurs, « Vous avez été sanctifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » En troisième lieu, les fidèles sont sanctifiés par l'habitation en eux de la Sainte Trinité. Car quel que soit le lieu où Dieu habite, du fait qu'il y habite, ce lieu est saint. D'où l'exclamation de Jacob dans la Genèse, « Vraiment ce lieu est saint. » Et de son côté, le psalmiste dit à Dieu, « La sainteté convient à votre maison. » En quatrième lieu, les fidèles de l'Église sont sanctifiés par l'invocation de Dieu. Jérémie adresse en effet au Seigneur ces paroles. « Seigneur, tu habites au milieu de nous. Ton nom a été invoqué sur nous. » Après une pareille sanctification de notre âme, il faut bien prendre garde de ne pas la souiller par le péché, car elle est le temple de Dieu. L'apôtre écrit en effet aux Corinthiens, « Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra. » La troisième note de l'Église, c'est sa catholicité, c'est-à-dire son universalité. Et l'Église est universelle, premièrement, quant au lieu, car contrairement à la croyance des donatistes, elle est répandue dans le monde entier. L'apôtre écrit en effet aux Romains, « Votre foi est célébrée dans le monde entier. » Et Jésus, avant de monter au ciel, dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toutes les créatures. » C'est pourquoi Dieu, qui dans l'Antiquité était connu seulement en Judée, l'est maintenant dans le monde entier. Or, cette Église du Christ comprend trois parties. L'une est sur la terre, une autre au ciel, la troisième au purgatoire. Deuxièmement, elle est universelle quant à la condition des hommes qui la composent. Parce que personne n'en est rejeté, ni le maître, ni l'esclave, ni l'homme, ni la femme. Saint Paul écrit en effet aux Galates, « Il n'y a plus maintenant de juifs ni de gentils, ni d'esclaves ni d'hommes libres, ni d'hommes ni de femmes, mais vous n'êtes tous qu'un en Jésus-Christ. » Troisièmement, l'Église est universelle quant au temps. Il y eut des hommes qui affirmèrent le contraire, l'Église ne devait durer qu'un temps. Ce en quoi ils sont dans l'erreur, car cette Église a commencé du temps d'Abel, et elle durera jusqu'à la fin du monde. Jésus, en effet, avant de remonter au ciel, dit à ses apôtres, « Voici que moi je vais être avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. » Et après la consommation des siècles, son Église demeurera dans le ciel éternellement. La quatrième note de l'Église est sa fermeté inébranlable. En premier lieu, une maison est solide si elle possède de bons fondements. Or, le principal fondement de l'Église, c'est le Christ. L'apôtre écrit en effet aux Corinthiens, « Personne ne peut fonder un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. » Et c'est aussi pour signifier la solidité de cette Église que Pierre a été nommé son chef suprême. En second lieu, la preuve de la solidité d'une maison, c'est qu'elle ne peut être renversée si on l'ébranle. Or jamais l'Église n'a pu être détruite, ni par les persécuteurs, ni par les erreurs, ni par les tentations des démons. Au contraire, pendant le temps des persécutions, elle s'est développée, tandis que ses persécuteurs et ceux contre qui elle luttait succombaient. Conformément à la parole de Jésus, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les erreurs non plus n'ont pu l'ébranler. Bien au contraire, plus celles-ci se présentèrent en grand nombre, plus la vérité fut manifestée. Écrivant à son disciple Timothée, l'apôtre lui dit « Ce sont des gens à l'esprit corrompu, pervertis dans leur foi, mais leur progrès aura ses bornes. » Et les tentations des démons n'ont pu la renverser. L'Église en effet est comme une tour vers laquelle on court pour se réfugier, quand on a à combattre contre le diable. L'Église est un abri très solide, comme le nom du Seigneur, dont il est dit dans les Proverbes, le nom du Seigneur est une tour extrêmement forte. C'est pourquoi le diable dirige ses efforts principaux vers la destruction de l'Église. Mais il ne l'emporte pas sur elle, parce que le Seigneur a dit « Les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle ». C'est comme s'il lui avait dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas ». Elle possède pour fondement secondaire les apôtres et leur doctrine. Et c'est pourquoi l'Église est solide et ferme. Saint Jean écrit en effet dans l'Apocalypse que la cité sainte avait 12 fondements, et sur eux 12 noms, à savoir les noms des 12 apôtres. Et c'est pourquoi l'Église est appelée apostolique. Voilà pourquoi seule l'Église de Saint-Pierre, qui eut en partage l'Italie tout entière, lorsque les disciples furent envoyés pour prêcher dans d'autres régions, demeura toujours ferme dans la foi. Et tandis que dans les autres parties du monde, ou bien la foi est inexistante, ou bien elle est mêlée de beaucoup d'erreurs, l'Église de Pierre, elle, est forte dans la foi et demeure pure de toute erreur. Il n'y a là rien d'étonnant, puisque le Seigneur a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. »